Bien, bonjour et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat, je serai avec vous pour les 90 prochaines minutes sur les ondes de chaque FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. La radio officielle de l'UQAM, qui se trouve être l'Université du Québec à Montréal. Alors, voilà, l'Université du Je devrais même dire, chers auditeurs, effectivement, vous devez comprendre que c'est la radio étudiante de l'université qui se trouve être une radio web. Et puis, en réalité, ils acceptent aussi des présentateurs, des animateurs, comme votre humble serviteur ici, François Marginat, comme étant des indépendants, n'appartenant pas nécessairement à la communauté étudiante de l'UQAM, mais quand même, nous sommes fiers de participer quand même à cette radio libre, cette radio qui nous donne l'opportunité de vous rapporter les choses telles qu'elles sont, sans contingentement, sans censure, peu importe sa provenance ou sa nature. Alors, réellement, on vous livre les choses en vrac telles que on les perçoit, telles qu'on les comprend, telles que des informations vérifiables autant que possible et vérifiées autant que possible, sinon dans le cas contraire, on vous informe de la nature des informations, mais réellement, on vous apporte ça vraiment à la sauce sans billet, réellement, sans influence, soit corporative, pécuniaire, pour peur de déplaire à quiconque ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, on vous rapporte les choses telles qu'elles sont. Des fois, on touche à des sujets difficiles, des sujets extrêmement sensibles, que ce soit au niveau de la nature, de l'actualité, des événements, de ce qui se passe, de ces vrais acteurs, ainsi de suite, ce qui nous pousse à parler de sujets des fois tabous, des sujets sensibles. Vous l'avez remarqué qu'on l'a fait dans le passé, on va continuer de le faire ici. On le fait évidemment dans tout respect, sans généralisation, sans ostraciser ou sans racisme ou sans quoi que ce soit. On le fait d'une façon objective. On nomme les choses telles qu'elles sont. Et puis, ça a un prix parce que des fois, évidemment, qu'on va se faire attaquer ou étiqueter d'une certaine manière, mais vous comprendrez que c'est fait d'une façon le plus professionnelle possible et puis dans le plus grand respect et dans le but seulement de connaître la vérité et puis de grandir là-dedans, devenir des meilleurs êtres humains pour s'harmoniser. Donc, c'est ça. Fait que vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. C'est parce que vous avez sûrement remarqué depuis quelques émissions, et puis je vais continuer de le faire. On doit comprendre la nature de certaines choses. Et puis, vous allez voir, cette semaine, on touche à des sujets aussi sensibles tels que la santé, vaccination. On va parler de cancer, des nouvelles surprenantes qui sortent. Vous savez, ici, moi, je suis pas docteur, donc c'est tout le temps à votre attention que je porte les informations que je déniche sur la blogosphère, sur en fait l'univers Internet qui se trouve à être finalement maintenant un canal d'information incroyable. Et puis on a des recherches qui sont faites, elles, et revues par des pairs. Par des docteurs, des gens qui sont hautement qualifiés, puis vraiment ça vaut la peine d'y porter notre attention et puis après ça d'en tirer les conclusions que vous voudrez. Donc je suis pas ici pour vous dicter quoi penser, mais en fait pour stimuler votre pensée, stimuler la réflexion, que vous puissiez vous poser des questions, remettre en question certaines choses, des fois qu'on a pris d'une façon un peu dogmatique ou par endoctrinement. Par conditionnement. Et puis des fois, c'est bon de remettre en question ces choses. Et puis après ça, ben effectivement, inviter à l'action, parce qu'après ça, un coup que on a tiré des conclusions d'une certaine situation, de certaines réflexions, ben il faut agir en intégrité avec sa façon de penser. Ce qui est parfois le plus difficile, c'est de mettre en action ce qu'on pense, ce qu'on est. Et puis des fois, les choix sont difficiles à assumer. Et puis c'est effectivement le but de la propagande, c'est de donner une bonne excuse à ces gens qui finalement ont de la difficulté à passer de la pensée à l'action. En fait, pas nécessairement de passer à l'action, mais c'est vraiment d'intégrer hein, sa façon de penser puis d'agir en conséquence. Donc, si on sait que, par exemple, la nourriture est pas bonne pour nous parce qu'elle contient peu importe quoi, là, je veux dire ça, des OGM ou quoi que ce soit, c'est un exemple comme ça, là. Ben, à ce moment-là, il faut prendre des actions concrètes pour arrêter d'en manger. Puis après ça, faire des pressions à ses compagnies, ainsi de suite. Je veux dire, il faut, c'est ça, il faut intégrer sa façon de penser. Donc, des fois, c'est le passage le plus difficile. Puis la propagande est là pour donner des justifications faciles, hein, pour justifier des mauvais choix, des mauvais calculs de satisfaction qui, finalement, créent des fausses motivations et puis qui nous mènent loin de la satisfaction, loin du bonheur, mais finalement à un état permanent de mal intérieur. Donc, réellement. Alors, écoutez, c'est un petit lapsus ici, là. Nous en sommes à l'émission numéro, écoutez, c'est quand même assez hallucinant. On est rendu à quoi? L'émission 245 officiellement. L'édition du 23 octobre 2013. Cette semaine, nous allons parler de sujets assez importants. On va parler de la Russie, de l'Iran qui se rapprochent. On va parler encore de ce dossier radioactif de Fukushima et le Japon. D'autres nouvelles importantes qui sortent. Vous devez être au courant puisqu'on refuse de vous informer convenablement. Ben, ici à l'émission, on va le faire. J'ai quelques commentaires cette semaine. C'est assez comique parce qu'on regardait un peu les chiffres de visionnement, en fait les statistiques un peu de l'émission là qui sont quand même continuellement à la hausse depuis le début, mais on voit quand même que c'est un public assez ciblé, une niche en fait de gens. Vous êtes quelques milliers de personnes, c'est un peu dur à évaluer, mais vous êtes quelques milliers de personnes, ça c'est certain. Je crois que ça serait beau si elle atteint le 5-10 000 personnes par semaine. Je ne crois pas, là. Je pense pas que ça l'atteigne un nombre aussi élevé. Je vous remercie d'être là. Vous faites partie, à mon avis, peut-être que c'est évidemment ma perspective, parce que je veux pas me voir comme un sans-dessin ou un nono, mais écoutez, je pense que, je veux dire, on fait partie, avec un certain recul de 10-15 ans de recherche, de suivi de l'actualité, plutôt, je pense qu'on est pas mal dedans. Les choses qu'on dit, les informations qu'on partage s'avèrent être véridiques ou proches de la réalité dans une très grande proportion. Alors, c'est évidemment ce qui nous guide ici, c'est pas de penser qu'on détient la vérité, mais tout le temps tendre vers celle-ci, d'être à la recherche de celle-ci. Et puis, c'est un peu la caractéristique qui témoigne, en fait, de vous, chers auditeurs et auditrices. C'est vraiment un plaisir de faire l'émission, ne serait-ce que pour un petit groupe de personnes que vous êtes, de quelques milliers de personnes. mais qui êtes là religieusement chaque semaine à vous abreuver, puis à venir chercher une petite parcelle de ce que je déniche, puis après ça, vous allez continuer votre chemin de votre côté, vous continuez à rechercher, vous rapportez des affaires, des fois c'est moi qui vous rapporte des affaires, c'est fantastique de vous voir là, puis je suis plein de gratitude, et c'est vraiment ce qui me motive à continuer, c'est de savoir que vous êtes là, quand même bien que vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes d'une qualité, à mon œil, d'une qualité incroyable. J'ai la chance et le privilège d'avoir des auditeurs et des auditrices qui sont vraiment géniales. Donc, je vous envoie toutes mes félicitations réellement et mes respects. Donc, voilà, je vous salue. Des fois, je vous réponds pas tous, d'ailleurs, sur YouTube, un peu partout, d'ailleurs, où l'émission est postée, parce que l'émission est quand même postée sur plusieurs sites Internet, plusieurs blogs, et ainsi de suite. Donc, j'ai évidemment pas le temps de tout le temps visiter tous ces lieux-là, de répondre à tous les commentaires des gens, évidemment. Mais sachez que la plupart du temps, je réussis à vous lire, puis ça fait tout le temps plaisir de savoir que vous êtes là. Et puis, vous êtes lu, y a aucune indifférence. Donc, voilà, c'est un peu une entrée de quelques minutes là sur un point un peu général, mais des fois je pense que ça vaut la peine de parler de certaines choses là concernant l'émission, puis bon, un peu les réflexions là de pourquoi on est ici, ainsi de suite. Donc voilà, continuez, puis si vous voulez que l'émission prenne de l'essor, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient bien informés, ben n'hésitez pas à partager l'émission, ça fait tout le temps plaisir. Vous avez les codes qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et puis sur la page de L'Autre Monde sur Choc FM. L'émission est aussi mise en place sur YouTube tout en émission découpée aussi par notre fantastique correspondant français Stéphane Poutroir, que je salue et puis que je remercie toujours pour son excellent travail. Alors c'est facile, allez-y, vous avez les codes sur la page de L'Autre Monde de Choc FM et puis les codes sur YouTube que vous pouvez placer un peu partout, et puis ben voilà quoi. Donc c'est important de participer au partage de l'information. Donc, c'est ça. Donc, cette semaine, on va parler de, comme je vous disais, de l'Iran et la Russie. On va parler de Fukushima. Donc, je vous parlais rapidement de tout ça. Et puis, après ça, on va parler de système bancaire et puis un peu de la Fed aux États-Unis. On a une nouvelle chef de la Fed, la Federal Reserve, donc la Banque centrale des États-Unis. Et puis, il y a des faits intéressants à connaître, à mettre en perspective, à réfléchir. Il y a des choses, des fois, qui rendent un peu inconfortables, pas par la nature même des choses, mais par, en fait, des tendances à savoir, en tout cas, vous allez comprendre. Donc, on va parler d'économie, mais de système bancaire, de banque centrale, un peu, là, de finalement système bancaire. Donc, vous allez voir un peu ça. On va voir l'influence israélienne des groupes de pression et de lobby autant israélien que juif. Alors, vous allez voir un peu la présence aussi juive un peu partout dans ces hauts circuits de la finance qui, des fois, laisse un peu pantois, un peu... Comment je vous dirais, c'est un peu, ça surprend, je veux dire, c'est juste ça, c'est pas pour réellement là créer des histoires, mais je veux dire, vous allez voir un peu les tendances qui se produisent, puis il y a un certain inconfort à ça, là, à se demander pourquoi il n'y a pas plus de variété. Alors, on va se demander s'il n'y a pas un peu un certain groupe de gens qui contrôle les plus hautes sphères, qui gère la vie économique, je dirais même mondiale. Alors, il faut se poser des questions. C'est des gens qui sont au pouvoir, qui détiennent un pouvoir énorme, qui influencent notre vie quotidienne littéralement tous les jours. Et puis, on se pose pas assez de questions à propos de ces gens-là, de leur loyauté, de leur motivation, de leurs intérêts. On doit comprendre leur appartenance. On doit comprendre d'où ils viennent, ces gens, pour savoir où ils vont. Et puis savoir si vraiment ils ont notre bien à cœur ou le leur. Alors ça, c'est très important. On va parler de ça. Donc, vous voyez, des sujets qui sont sensibles. Et puis si... Tu sais, des fois, j'ai peut-être l'air bien prudent là, en parlant comme ça, mais c'est que, vous savez, on marche tout le temps sur une ligne très fine quand on arrive sur des sujets très sensibles tels que celui-là. Et puis, ça peut froisser certaines personnes. Des choses peuvent être mal interprétées rapidement et puis monter en épingle. Alors, c'est important de désamorcer ces choses-là dès le départ. Et puis, si vraiment ça peut vexer certaines personnes, ben écoutez, je présente toutes mes excuses. Alors, il faut comprendre qu'on fait pas ça d'une façon maligne, mais il faut comprendre quand même les choses telles qu'elles sont, je veux dire. Donc voilà, donc on va parler un peu de ça. Très important. Et puis après ça, on va parler de santé, on va parler de vaccins, de vaccination, des nouvelles assez importantes qui sont sorties. On va parler de causes principales menant au cancer du sein, les femmes, les auditrices et les hommes qui sont leurs conjoints. Écoutez ces informations très importantes. D'autres articles fort importants qui sont sortis concernant le cancer. Dangerosité du téléphone portable, on va parler de ça. L'Agence de sécurité sanitaire rend son rapport. Des nouvelles que vous devez entendre, sur lesquelles on doit réfléchir en tant que société. Donc, écoutez, ça a été un bon départ. Allons-y, on va commencer déjà avec quelques nouvelles. On a appris cette semaine que l'Iran et en fait les forces aériennes de l'air de l'Iran et de la Russie ont mis en place un meeting. Alors, leurs commandeurs se sont rendus et ont discuté de coopération mutuelle entre ces deux pays. Alors, ce sont évidemment les top échelons de la force de l'air de l'Iran et puis de la Russie qui ont souligné, si vous voulez, le besoin pour une expansion de liens bilatéraux et de coopération mutuelle. Alors, ils ont échangé leurs vues sur certains sujets très importants, incluant la coopération sur la défense et l'échange de missiles. Et puis, la rencontre, en fait, a eu lieu dans la capitale iranienne. Et puis, on se trouve à avoir eu le lieutenant général Bondarev qui a rencontré Khatam Ol-Ambia. Et ça s'est passé en compagnie de d'autres personnages fort importants. Et puis, ben écoutez, un peu plus tôt ce mois, on avait l'admiral Habibollah Sayari. Alors, c'est un commandant de l'armée de la mer iranienne qui a annoncé qu'on était pour avoir un détachement de bateaux de guerre de la Russie qui était pour s'arrimer dans les eaux territoriales de l'Iran dans un proche futur. Alors, ça se trouve être une flottille russe de bateaux de guerre qui va aller visiter l'Iran dans un futur assez rapproché. Alors, on voit l'Iran qui est en train de donner de l'expansion à sa relation avec la Russie d'une façon quand même assez intelligente et puis dans un moment très opportun, disons-le. Alors, si cette coopération militaire devait évoluer dans un pacte de défense mutuelle, alors ceci pourrait être évidemment, comme on croit que ça pourrait arriver, là, on voit vraiment que ces pourparlers sont un prélude à cela. Ça pourrait donner évidemment beaucoup de matière à réfléchir à ceux qui voudraient attaquer l'Iran, ou enfin un moment de réflexion, en tout cas, disons-le, ou espérons-le. Donc, ça, c'est quand même un développement géostratégique fort important. Ensuite, on a la question de Fukushima. Alors, on va aborder la question de Fukushima tout de suite après la pause. En fait, on va faire une petite pause musicale tout d'abord. Et puis, tout de suite après, on va revenir avec la situation de Fukushima où on apprend des conséquences dévastatrices de l'inaction du gouvernement. Et puis, on va parler un peu de ces quantités d'eau qui sont contaminées, de réservoirs d'eau contaminées. Qui se retrouve tout autour de la centrale de Fukushima et qui commence à être en quantité assez incroyable. Vous allez entendre ça tout de suite après la pause, là. Vous allez réaliser que on parle évidemment de centaines de milliers de tonnes métriques d'eau qui sont emmagasinées. Alors, écoutez bien ça après la pause. Vous allez entendre des chiffres assez ahurissants. Et puis, vous allez comprendre un peu dans quelle mesure la situation est vraiment grave à Fukushima encore une fois. Et on va poursuivre après ça dans quelques nouvelles, savoir comment la NSA espionne la France, un article qu'on a trouvé sur Le Monde cette semaine, un article fort intéressant que je vais vous encourager à lire, à découvrir. Et puis après ça, ben on va on va aborder tranquillement là, la question du système bancaire et puis de cette nouvelle chef de la Banque centrale, la Federal Reserve aux États-Unis, la Fed. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va dérouler l'émission. Donc, pour l'instant, on fait une petite pause. Revenez-nous tout de suite après. On va parler, comme je vous disais, de l'histoire de Fukushima. Et puis, vous allez voir, c'est pas des farces. Il se passe quelque chose d'assez important là-bas. Et il est temps qu'on se penche là-dessus. Donc, à tout de suite. Vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginat, au micro. Alors, on va commencer à croquer dans le vif des informations importantes de cette semaine. On va parler de Fukushima Daiichi, comme on le fait chaque semaine. Vous avez un excellent article qui a été publié sur Global Research le 15 octobre, que j'ai déniché. Il est écrit par Christopher Hobson puis Andrew DeWitt. Et qui, est un article en anglais que je vais essayer de vous traduire là au fur et à mesure que je vais parcourir cet article. Et puis, je vais vous donner des chiffres quand même assez révélateurs sur l'ampleur de la situation. Vous allez voir un peu, là, même, je dirais, très précisément, une des facettes, parce qu'il y en a plusieurs, une des facettes graves de la situation là-bas. L'article en anglais s'appelle The Lid Comes Off Fukushima Daiichi. En fait, le couvercle s'enlève. En fait, la vérité fait surface sur Fukushima Daiichi, Japan's Ground Zero. Alors, on a des conséquences dévastatrices de l'inaction du gouvernement. On parle de la situation particulière de l'eau contaminée. Vous devez comprendre, vous savez, récemment, on a annoncé qu'on avait 300 tonnes d'eau hautement toxique qui a été mélangée avec des radionucléides strontium-90 qui avaient des fuites, OK? Une réserve, en fait, une citerne qui avait des fuites qu'on avait construit rapidement dans les mois suivant l'accident et qui représentait le plus urgent problème rapporté à la centrale depuis la fusion des cœurs nucléaires là au mois de mars 2011. Et puis, l'article ici rapporte des chiffres fort importants. Écoutez, on vous demande de considérer l'échelle de la situation de l'eau contaminée. TEPCO a 330 000 tonnes métriques d'eau emmagasinées d'environ 1000 citernes qui se trouvent à être installées sur le sol autour de la centrale de Fukushima. C'est environ 1000 citernes sont à 90% de leur complète capacité de 390 000 tonnes. Alors, ils ont 330 000 tonnes sur 390 000 tonnes de capacité. Et à l'intérieur du système de drainage, on a environ 20 000 tonnes d'eau hautement contaminée. Et ensuite, on se trouve à avoir aussi des citernes sous le sol qui sont aussi présentes sur le site. On dit que à chaque jour, selon l'Agence des ressources naturelles de l'énergie japonaise, les sites de la centrale Daiichi numéro 1, 2, 3 et 4 reçoivent environ 1000 tonnes d'eau additionnelle qui viennent en fait des nappes phréatiques et de l'eau de ruissellement qui provient des montagnes entourant le site. On dit de ce montant, de ces 1000 tonnes, il apparaît qu'environ 400 tonnes vient en contact avec les structures des réacteurs et de l'eau souterraine, hautement radioactif, et devient ainsi contaminé. Alors qu'on a environ, après ça, 300 tonnes de cette eau qui va ensuite s'échapper vers l'océan. Du 600 tonnes qui restent, il apparaît que cette eau ne se rend pas au sous-bassement des réacteurs, mais qu'un certain volume apparaît devenir contaminé ailleurs dans le processus d'écoulement vers l'océan. Et puis là, on révèle que TEPCO utilise aussi environ 400 tonnes d'eau par jour qu'ils injectent dans les centrales, en fait, dans les ruines des réacteurs, spécialement autour de ces réacteurs qui ont fondu, pour les garder froids. Ensuite, cette eau est mixée et mélangée avec 400 tonnes d'autres eaux qui coulent à travers l'eau du sol. Donc, on avait parlé un peu plus tôt là, des 1000 tonnes qui viennent des montagnes et puis de la nature environnante. Alors, ces 400 tonnes qu'on injecte se mêlent avec les 400 tonnes qui coulent naturellement à travers le terrain et de la centrale. On dit que TEPCO recycle la moitié, c'est-à-dire que va réinjecter cette eau, la moitié, donc un 400 tonnes, dans les réacteurs et va pomper, va retirer le reste des 400 tonnes d'eau contaminée et vont l'emmagasiner dans ces grandes citernes dont on parlait un peu au début, qu'ils ont chaque une capacité de 1000 tonnes métriques. Alors, on doit comprendre que si on fait un petit calcul rapide, à chaque 2,5 jours, à chaque 2 jours et demi, une nouvelle citerne est nécessaire. Alors, pour un total annuel d'environ 150 000 tonnes. OK? Donc, à peu près 350 des 1000 citernes qui sont déjà sur place et qui étaient en fait être censées être de l'emmagasinage temporaire et qu'ils ont été montés rapidement sur le site présentent en fait déjà des problèmes de fuite, OK? Et puis, cela suggère qu'elles devront être remplacées quand même assez rapidement. Au même moment, TEPCO planifie de continuer à installer des citernes additionnelles pour augmenter sa capacité, pour augmenter en fait la capacité d'emmagasinage à 700 000 tonnes en 2015 et à 800 000 tonnes à la fin de l'année fiscale de 2016. Mais son habilité de garder, de continuer, c'est-à-dire à ajouter des citernes est limitée par la proximité des centrales, de la stabilité de la surface et de la place de Daiichi en soi. Alors TEPCO, dans le fond, sont en train de finalement se buter à un cul-de-sac, si on veut, un problème, une tâche des plus demandantes, une des tâches d'ingénierie les plus challengeantes de notre génération. On dit qu'on a plusieurs experts internationaux qui argumentent que la solution est d'enlever le strontium très dangereux et le césium et qui se retrouve à être dans l'eau qui fuit, eau hautement radioactive, qui était jusqu'à certains cas 8 millions de fois les limites du ministre de la Santé, du ministère de la Santé du Japon. Et ensuite, parler de dilution et de disposition. On dit que si le système fonctionne bien, on devrait être capable de filtrer 62 différents radionucléides de 500 tonnes d'eau par jour. Mais on n'est pas encore capable de mettre ce système-là en place. Ensuite, ben écoutez, il y a un autre problème, c'est évidemment le flot de cette eau souterraine qui passe sous les centrales et qui devient contaminée. On est en train de penser à un plan de stopper cette eau souterraine avec ce qu'on appelle une barrière de glace qui se trouverait être environ 1500 tuyaux avec un liquide extrêmement refroidissant, là, extrêmement performant, qui encerclerait les réacteurs en ruine. Mais en plus d'être extrêmement dispendieux, on parle ici là, de dizaines de milliards de yens, et ensuite environ 1 milliard de yens par année pour maintenir ce système. Alors, on est loin d'être certain que ça va fonctionner parce que ça se trouve à être des spécialistes qui normalement fonctionnent avec ça, qu'on utilise, dans le fond, on gèle le sol pour des différentes applications comme la construction de métro, de stations de train souterrains, ainsi de suite, d'autres projets du genre. Mais évidemment que ça n'a jamais été utilisé dans des applications aussi vastes, à une échelle aussi importante. Alors, évidemment que ceci n'est pas dans les cartes, au moins avant 2015. Alors, écoutez, ça c'est un article fort intéressant que je vous invite à découvrir. Ensuite, vous avez un autre article du Japan Times, publié le 21 octobre, rapporté aussi par le Wall Street Journal, où on parle de cette plaie, hein, de l'eau radioactive de Fukushima qu'on va avoir besoin de suivre pour probablement les 100 prochaines années, possiblement même plus longtemps que ça. On sonne l'alarme au Wall Street Journal sur la récente alerte de TEPCO qui semble être extrêmement une mauvaise nouvelle. On parle de yttrium à 200 000 becquerels par litre dans l'eau souterraine. Écoutez, ça se trouve être assez assez important là. Écoutez, là, on parle de radiation, de niveau de radiation le 17 octobre qui ont atteint des sommets, ont sauté de 6500 fois du jour au lendemain. Ok, donc on a eu un pic, pouf, comme ça. Alors, on se demande ce qui se passe. Alors, imaginez, là, écoutez, là, tout se déroule selon la normale qui est déjà catastrophique à Fukushima. Et puis là, on se réveille du jour au lendemain avec des pics d'émissions de niveau de radiation 6500 fois plus élevé que la veille. Ok, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Donc on se trouve avec l'émission de particules. Le yttrium, et qui se trouve à être finalement un phénomène de dégénération là, nucléaire, là, finalement, du strontium 90, ainsi de suite. Et puis, ça se trouve à être en concentration extrêmement élevée. Là. Donc, on dit 6600 fois la limite d'émission permise. Donc, des nouvelles qui deviennent de plus en plus pressantes commencent à atteindre les médias de masse. Et puis, tranquillement, la population mondiale commence à prendre conscience de la gravité de la situation à Fukushima. Ensuite, on a eu des chutes de pluie infernales. Je veux dire, je ne sais pas si vous connaissez les pluies diluviennes que l'Asie peut connaître. J'ai connu ça pendant une dizaine d'années là-bas. De la pluie, c'est assez hallucinant comment il peut en tomber en Asie. Lorsqu'on a des typhons, ainsi de suite, on peut se retrouver avec facilement 1000, 2000, 3000 millimètres de pluie en une, deux, trois journées. Là. Donc, ça peut tomber de façon assez drue. Et puis, on a eu un problème de débordement d'eau à Fukushima Daiichi. Vous avez TEPCO qui a essayé de discerner la qualité de l'eau et des possibles substances radioactives qui pourraient avoir été répandues. Écoutez, l'eau s'est mise à déborder un peu partout dans 12 emplacements de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi. Alors, cette eau a passé par-dessus des barrières qu'on avait montées, des digues qui en fait entouraient une douzaine de ces citernes d'eau radioactive dont on parlait juste précédemment. Et puis, TEPCO a rapporté que le liquide contenait une source de radiation bêta qui a été trouvée passé les digues qu'on avait construites. Alors, voyez un peu la situation, là, c'est quand même assez préoccupant. Donc, dernière nouvelle ici, on change un peu de sujet, mais quand même une nouvelle assez importante avant de faire une nouvelle pause. Un article trouvé sur le site de Le Monde, comment la NSA espionne la France, la NSA en français. Alors, un article publié le 21 octobre 2013 que je vous invite à consulter, là, quand même assez intéressant, où on dit dans l'article que l'avenir dira peut-être un jour pourquoi Paris est resté si discret par rapport à Berlin ou Rio après les révélations sur les programmes d'espionnage électronique américain dans le monde, car la France a été tout autant ciblée et dispose aujourd'hui de preuves tangibles que ses intérêts sont quotidiennement visés. Alors, imaginez. Selon les documents de l'Agence nationale de sécurité, la NSA, obtenus par Le Monde, les communications téléphoniques des citoyens français sont en effet interceptées de façon massive. Ces pièces dévoilées en juin par l'ex-consultant de l'agence, Edward Snowden, décrivent les techniques utilisées pour capter illégalement les secrets ou la simple vie privée des Français. Alors oui, Français, auditeurs de cette émission, ça vous concerne directement aussi. Alors, certains éléments ont été évoqués par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel et le quotidien britannique The Guardian. D'autres sont inédits. Pour en savoir plus, vous avez des liens, là, des révélations du monde sur sur cette histoire-là de Big Brother à combattre. Et puis, parmi les milliers de documents soustraits à la NSA par son ex-employé figure un graphique qui décrit l'ampleur des surveillances téléphoniques réalisées en France. Et on constate que sur une période de 30 jours, du 10 décembre 2010 au 8 janvier 2013, 70,3 millions d'enregistrements de données téléphoniques des Français ont été effectués par la NSA. Aïe aïe! J'espère que vous êtes encore confortable. Alors, les trois parties ont dit l'agence dispose de plusieurs modes de collecte. Quand certains numéros de téléphone sont utilisés dans l'hexagone, ils activent un signal qui déclenche automatiquement l'enregistrement de certaines conversations. Cette surveillance récupère également les SMS et leur contenu en fonction de mots-clés. Enfin, de manière systématique, la NSA conserve l'historique des connexions de chaque cible. On dit cet espionnage apparaît au titre du programme US-985D. Et là, on parle bon de l'explication exacte de ce sigle, dont je vous laisse prendre connaissance dans l'article, même avec une multitude de liens actifs, des hyperliens pour vous à consulter. Et puis, on voit grosso modo que ces sigles décrivaient différents programmes d'espionnage et d'écoute électronique, d'espionnage mondial réellement, concernant la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Belgique. On parle de pays, excusez-moi, anglo-saxons, historiquement proches de Washington, comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors, imaginez. Et puis, après ça, on parle des techniques utilisées pour les interceptions qui apparaissent sous les codes de DRT Box et puis White Box. Leurs caractéristiques ne sont pas connues. Mais on sait que grâce au premier code, 62,5 millions de données téléphoniques sont collectées en France du 10 décembre 2012 au 8 janvier 2013 et que le second permet d'enregistrer sur la même période 7,8 millions d'éléments. Alors imaginez, les documents semblent donner suffisamment d'explications pour penser que les cibles de la NSA concernent aussi bien des personnes suspectées de liens avec des activités terroristes que, écoutez ça, des individus visés pour leur simple appartenance au monde des affaires, de la politique ou à l'administration française. Ben ouais. Le graphique de l'NSA montre une moyenne d'interception de 3 millions de données par jour, avec des pointes à presque 7 millions les 24 décembre 2012 et le 7 janvier 2013. Mais du 28 au 31 décembre, aucune interception ne semble avoir été opérée. Bon, alors, fort intéressant, vous avez un visuel plongé dans la pieuvre de la cybersurveillance de la NSA. Informateur universel, la France n'est pas le seul pays où la NSA intercepte le plus de connexions numériques ou téléphoniques. Le système Boundless Informant, l'informateur universel révélé en juin par Edward Snowden au Guardian, a permis d'avoir une vision d'ensemble en temps réel des renseignements récupérés à travers le monde grâce aux différents systèmes d'écoute de la NSA. Boundless Informant collecte non seulement les données téléphoniques, mais aussi celles liées à l'univers numérique. L'un de ces documents que Le Monde a pu consulter relève, vous avez un lien ici là à consulter sur le site de Le Monde, relève qu'entre le 8 février et le 8 mars, la NSA a collecté, écoutez ça, 124,8 milliards de données téléphoniques et puis 97,1 milliards de données reliées à l'univers numérique. Quand même assez ahurissant, là. Ça, et ça, dans le monde entier. Bien évidemment, dans des zones de guerre comme l'Afghanistan, aussi que la Russie, ou en Chine, en Europe, seul Allemagne, le Royaume-Uni dépasse la France en termes du nombre d'interceptions. Mais pour les Britanniques, cela s'est fait avec l'assentiment de leur gouvernement. Imaginez. Wow! Donc, un autre article ici qui parle de 70 millions d'appels téléphoniques en France qui ont été enregistrés en un mois par la NSA. On parle de ce même article ici, mais en version anglaise. Donc, matière à réfléchir. Je vous laisse là-dessus. On part en pause musicale une autre fois. On se retrouve tout de suite après pour des nouvelles sur le très sensible dossier des hautes sphères de la finance et du système bancaire de la Banque centrale des États-Unis, puis du système bancaire des banquiers privés internationaux, du système des banques centrales des différents pays dans le monde. Alors, qui les contrôle et qui finalement donne un sens et une direction à l'économie mondiale? Thank you. Alors voilà, maintenant, on va aborder ce sujet de la Banque centrale des États-Unis, Obama, qui vient d'élire Janet Yellen au poste de directeur de la Fed, de la Banque centrale aux États-Unis. Alors, ça, c'est fort intéressant. C'est une économiste juive qui vient de devenir la chef de la Fed. Et puis, vous avez quelques titres de nouvelles à ce propos. La première femme à ce poste aussi, disons-le. Et maintenant, c'est Obama qui l'a nommé, qui l'a choisi à M. Summers, qui était juif lui aussi. Alors, comme je vous disais un peu plus tôt, d'un peu d'entrée, c'est pas pour faire un ostracisme ou quoi que ce soit, mais il est quand même fort intéressant de constater que effectivement, il y a un groupe de gens qui semblent se retrouver, comme tout le temps, à ces postes de pouvoir très importants. Et puis, je veux dire, si vous alliez, par exemple, en Indonésie, vous vous rendrez compte que la minorité est chinoise. En fait, la grande majorité de la population est évidemment indonésienne. Et il y a un grand... En fait, dans plusieurs pays, même d'Asie du Sud-Est, il y a cette communauté chinoise qui semble être... Pas qui semble, mais en fait, est au pouvoir... De l'économie, en fait, ce sont sept ethnies qui détiennent une grande partie des fonds économiques dans le pays, puis des transactions des compagnies, ainsi de suite. C'est bien connu dans ces pays-là. Alors, ce sont des choses qui sont des faits, alors nous les nommons telles quelles. Alors, Obama qui a choisi Janet Yellen pour prendre le poste de Bernanke, finalement. Et puis, vous avez le site de David Duke qui m'a été refilé par un auditeur collaborateur de l'émission ici, qui est fort intéressant. Peu importe ce qu'on peut penser du personnage, je crois qu'il y a quand même des bonnes choses à tirer. Lui, il note un fait fort intéressant, c'est de voir la différence du traitement de la nouvelle entre les médias écrits, donc les journaux en particulier juifs israéliens, particulièrement même juifs américains, et ceux qui sont destinés à la masse en général. Fort intéressant, alors que dans les médias destinés à la majorité de la population américaine, on ne nommait pas ce fait que Janet Yellen est juive. On en faisait l'apologie et on en parlait tout haut et tout fort avec grande fierté dans les journaux juifs qui sont publiés aux États-Unis. Fort intéressant. Alors qu'on dit que les journaux, les médias de masse contrôlés par les juifs suprémacistes ont été silencieux à propos de cette appartenance ethnocentrique juive de la nouvelle directrice Janet Yellen. On a, comme il a relevé dans les journaux juifs, une célébration. On a relevé une célébration et on a même célébré le fait que, effectivement, c'est un autre juif, dans ce cas-là, juif, qui a pris le contrôle de la Fed. Et puis là, vous avez le journal ici qui s'appelle The Jewish Daily. Okay? Donc, ça vient vraiment même de ces médias-là, là, comme je vous dis. Donc, il faut prendre les nouvelles telles qu'elles sont. Là. Donc, ça vient de la bouche même d'un média juif où on trouve un article écrit le 9 octobre par Nathan Gutman où Janet Yellen brings Jewish side to Fed again. Alors qu'on fait justement l'apologie de ce fait que c'est effectivement la troisième personne juive qui occupe ce poste donc depuis 25 ans à la Fed, la Banque centrale des États-Unis. On a un juif en contrôle de la Banque centrale aux États-Unis, donc de l'économie américaine. Il faut pas oublier non plus que la Banque centrale aux États-Unis, la Fed, est une banque privée. Hein? C'est une institution, c'est une compagnie privée. Alors, fort intéressant. Alors, selon un article du Jews Daily Forward, un des plus importants journaux juifs des États-Unis, on parle en fait là avec fierté que la nomination de Yellen à la tête de la Banque centrale des États-Unis qui rentre en fait en poste suite à Ben Bernanke qui était lui aussi juif et qui lui d'ailleurs aussi avait remplacer son prédécesseur Alan Greenspan, qui était juif aussi. Donc on fait état de cette chose, et puis on dit même que Janet Yellen va apporter son côté juif à la Fed encore une fois. Et on fait, on parle effectivement en plus que Yellen est marié à un économiste, George Akerlof, qui est lui aussi juif et qui a lui gagné le prix Nobel de l'économie en 2001 avec deux autres Américains. Alors, c'est quand même assez intéressant. Vous avez aussi le Jewish Telegraphic Agency qui a aussi publié un article parlant de ce fait juif de Yellen, donc qui le mettait de l'avant avec avec une certaine fierté d'ailleurs. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, ces gens-là ont une appartenance, une loyauté qui apporte un biais important à la façon dont gèrent les choses, d'autant plus, comme je vous disais, que si on comprend le système bancaire, que la Banque centrale des États-Unis, la Fed, est une banque privée depuis 1913 et qui, finalement, gère l'économie américaine, a mis en place un système basé sur la dette. Okay, donc, à chaque fois qu'un dollar entre en circulation, c'est un dollar de dette. En réalité, c'est un dollar qui est emprunté plus intérêt à des banquiers privés. Donc, au lieu de mettre en circulation, de frapper une monnaie sans intérêt, sans dette, de ne pas la devoir à personne, ben on fait maintenant appel à des banques privées, des banquiers privés, pour imprimer notre propre argent. Et on l'emprunte. On l'emprunte avec intérêt, ce qui est complètement ridicule, ce qui est une arnaque de tous les temps. Et puis c'est là où le bas blesse, c'est là où le problème se trouve, comprenez-vous. C'est pas à cause que la personne qui gère ces grandes institutions, là, tu sais, comme les banquiers privés internationaux, ces gens qui mènent des banques centrales, ainsi de suite, qu'ils soient chinois ou russes ou qu'ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens ou juifs. C'est pas réellement ça le problème, c'est le fait comment ces gens se comportent, quels sont leurs biais, quels sont leurs intérêts, leurs motivations. Et il se trouve que ces gens, malheureusement, prennent contrôle du système économique et finalement instaurent leur système qui est basé sur la dette, qui est un système finalement qui rend les populations où ils se trouvent, où ils entrent en activité, esclaves d'un système économique parce que c'est un système en pyramide, un système de Ponzi, où pour le maintenir, on a besoin de tout temps de plus de dettes à la base de la pyramide pour maintenir l'élite qui siphonne tout l'argent de la population au sommet, vous comprenez? C'est vraiment ça qui est le cœur du problème, vous comprenez? Donc, c'est effectivement la situation. Donc, Obama a favorisé la job, a favorisé Janet Yellen pour le travail. Et puis, l'autre qui était en liste, c'était Lauren Sommer, qui lui aussi se trouve être juif, qui d'ailleurs se trouve avoir reçu l'offre de diriger la Banque centrale d'Israël. Alors, vous voyez, là, c'est quand même assez étrange, tous ces liens, là, tous ces différentes loyautés, ces différents va-et-vient, vous voyez, d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, c'est quand même assez particulier là à considérer. Donc, on dit que le fait qu'on retrouve des personnes juives à la banque, en fait au sommet, à la direction de la Federal Reserve aux États-Unis depuis plus d'un quart de siècle, fait partie d'un rôle pivotal sur l'emprise, si vous voulez, de la structure de pouvoir des juifs suprémacistes aux États-Unis. Et on parle aussi, évidemment, à ce moment-là, d'avantages où on a de l'information, de l'insider information, qu'on appelle là, donc délit d'initié, ainsi de suite, où on parle de données importantes qui peuvent être partagées entre entre eux finalement. On parle de différents exemples ici où on a relâché supposément par erreur une journée à l'avance là des données très importantes par rapport à l'économie qui ont profité à des petits amis qui étaient dans le circuit. On parle des gens qui sont des lobbyistes, des gens qui travaillaient pour des hedge funds, des banques, des institutions financières, des gens qui travaillent pour Citigroup, JP Morgan Chase, vous comprenez, donc la Federal Reserve qui a relâché de l'information privilégiée supposément par erreur à ces gens-là qui se trouvent à être proches de ce petit cercle d'amis qui partagent les mêmes intérêts, les motivations ou les mêmes finalement les mêmes, si vous voulez, cultures, intérêts, ainsi de suite, même motivation, même appartenance, soit religieuse ou même nationalité. Et puis après ça, cette information a été relâchée à des marchés au plus large seulement 17 heures plus tard. Donc, l'information n'était plus bonne, vous comprenez? Donc, pas qu'elle était plus bonne, mais des gens ont déjà profité de cette information pour faire de l'argent, alors que le reste de la population, des gens qui sont acteurs dans ce réseau, ne sont pas avertis, ne sont pas informés. Alors, c'est un méchant problème. Et puis là, vous avez cette histoire de dette aux États-Unis où on dit que la dette nationale américaine a augmenté de plus de 1 trillion de dollars. Donc, c'est 1 000 milliards de dollars en seulement 12 mois. Donc, on dit que le 13 septembre 2012, la dette nationale des États-Unis se tenait à environ 16 trillions de dollars. Et puis maintenant, elle se trouve à 17 trillions. Alors, ces chiffres viennent directement des sites Internet du gouvernement américain officiel et peuvent être aisément vérifiés. Comme je vous disais, moi, il y a des analystes qui estiment que la dette réelle des États-Unis, parce qu'on en cache bien des parties, on a des affaires qu'on comptabilise pas, se situerait autour de 70 à 200 trillions de dollars. Donc, c'est un pays qui est complètement ruiné, un pays qui est dans un gouffre financier irrécupérable. Il faut comprendre ces choses-là. Là, c'est une dette exponentielle jusqu'à temps que les États-Unis, s'écroulent. Donc, on est en train de faire s'écrouler les États-Unis et puis mettre la main dessus, comme une multitude d'autres nations dans le monde. On en a parlé un peu récemment avec le cas de la Grèce qui a dû mettre à vendre des îles, ainsi de suite. Et puis là, c'est le même cas dans d'autres pays aussi. Donc, incroyable. Comme je vous disais, vous avez le premier ministre Netanyahou qui a offert à l'ancien chef secrétaire du Trésor, président de Harvard, advisor, conseiller de Obama, Lawrence Summer, la gouvernance de la Banque d'Israël. Alors, ça aussi, là, c'est en main. C'est quand même assez particulier. Et puis, ça souligne le fait que, encore là, les suprémacistes juifs n'ont aucune loyauté nationale, seulement qu'une loyauté tribale au groupe ethnique juif. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, on a un problème d'objectivité. C'est pas une objectivité, en fait, c'est un problème de biais important, de motivation qui ne met pas, qui ne porte pas en soi l'intérêt de la population en général. Vous comprenez? C'est ça qui est le problème. On s'en fout de savoir quelle nationalité ils sont, quelle loyauté tribal ils ont, quel groupe ethnique ils appartiennent, quelle religion, peu importe. C'est le problème du fait que ces gens-là ont pour intérêt leurs propres intérêts au lieu de ceux de la population en général. Donc, là, il y avait deux finalistes pour prendre le contrôle de la Banque centrale d'Israël. Et puis, Netanyahou voulait Lawrence Summers. Et finalement, il l'a refusé. Donc, finalement, ça se trouve être une autre personne. Vous voyez, Lawrence Summers qui a travaillé aux États-Unis, maintenant, s'est fait offrir le poste en Israël. Ensuite, vous avez cette juive, Janet Yellen, qui prend contrôle de la Banque centrale aux États-Unis. Ça commence à être assez particulier comme histoire. Je veux dire, il faut être conscient de ces choses-là. Beaucoup de médias n'oseront jamais parler de ça par peur de se faire traiter d'antisémite, de racisme, de bashing de juifs ou ainsi de suite, alors que ça n'en est pas du tout. Vous comprenez que ce sont des faits sur lesquels il faut aussi s'attarder pour se poser des questions, savoir dans quelle direction l'économie s'en va et puis pourquoi certaines décisions sont prises, pourquoi l'économie s'écroule, pourquoi que le système est basé sur la dette, pourquoi finalement les banques centrales sont soit des institutions privées ou finalement sont contrôlées par des banquiers privés. Alors que le reste de la population finalement dépérit, voit sa richesse et son pouvoir d'achat diminuer et tomber grosso modo dans un état d'appauvrissement total, d'esclavagisme, où l'on voit la classe moyenne littéralement scientifiquement disparaître, alors que c'est évidemment de quoi qui est volontairement mis en place. On va faire disparaître la classe moyenne et subordonner la planète entière à des suprémacistes, ce qu'on appelle, vous voulez, le New World Order. Ce sont cette clique de gens qui voudraient bien, d'une manière féodale, des temps médiévaux, contrôler la planète, réduire sa population et puis finalement, je veux dire, s'immiscer comme étant des maîtres suprêmes de la planète. C'est aussi fou d'en parler que de savoir que des gens pensent réellement comme ça, bien que des fois, c'est difficile de s'imaginer en tant que personne normale. Okay? Mais effectivement, il y a des gens qui ouvertement, okay, quand on parle de suprémacistes juifs, il y a des suprémacistes blancs et des suprémacistes communistes, il y a des suprémacistes de toutes sortes d'avenues. Et puis, les juifs ne sont pas à l'abri de ça. Alors, on retrouve une clique, malheureusement, de gens extrêmement puissants, des gens qui sont à la tête de consortiums et de systèmes bancaires. On parle de la famille Rothschild, qui sont effectivement des suprémacistes qui ont pour but de, finalement, de, ben oui, d'instaurer leur suprématie. Le mot le dit. Alors des articles quand même fort importants que vous devez prendre connaissance, OK? Cet article va révéler d'autres informations importantes à ce propos. Ensuite, vous avez un article du Haaretz, un journal publié en Israël, qui publie un article à propos de l'ADL. La Ligue d'antidéfamation qui relâche une liste, qui publie une liste de 10 top, le top 10 des groupes anti-Israël dans aux États-Unis. Et puis là, on parle ici de groupes qui sont qui ont une grande influence et qui activement proposent des choses qui sont anti-israéliennes selon eux. Et on parle de ces organisations alors qu'ils les perçoivent comme étant des groupes qui sont fixés avec l'idée de délégitimiser Israël et de fournir des narratifs qui pourraient mener à la confusion à propos d'Israël. Alors, c'est tout le temps un peu la même situation, alors que d'accepter que finalement, ce sont pas des groupes qui soudainement se lèvent, des gens qui se lèvent le matin, hein, et puis là, soudainement, ils ont rien à faire, et puis là, ils se disent, tiens, on va délégitimiser l'État d'Israël, hein. Pourquoi que ces gens-là se sont pas levés un jour puis tiens, se sont dit aujourd'hui on va délégitimiser la Malaisie. Mais non, c'est parce que la Malaisie se comporte pas de façon délégitimisante, hein, vous comprenez? C'est qu'à un moment donné, certaines personnes, certains individus, certains groupes, comme certaines nationalités, comme certaines nations se comportent de façon criminelle, contreviennent aux lois internationales, ne se plient pas aux règles et aux lois et aux traités internationaux, commettent des crimes, commettent des actes de barbarie, des actes criminels, l'utilisation d'armes de destruction massive, possèdent des armes de destruction massive et nucléaires en refusant de signer les traités de non-prolifération nucléaire, ainsi de suite. Finalement, au lieu d'accepter qu'ils ont un comportement qui attire ce genre de réprobation internationale bien légitime, se cambrent et prennent finalement la position de la victime et se dit victime de pression illégitime, de délégitimisation d'Israël et d'antisémitisme, ainsi de suite. Alors eux, ils ont nommé 10 groupes anti-Israël identifiés, tels qu'identifiés par la Ligue d'antidéfamation. Alors, on parle du groupe ANSWER, Act Now to Stop War and End Racism, American Muslims for Palestine, Code Pink, vous avez Friends of Sabel North America, If Americans Knew, Council for the National Interest, ça c'est un groupe fort intéressant dont je vous ai parlé souvent dans les débuts de l'émission, 2007, 2008, 2009, c'est Internet qui fournit des statistiques, ok, c'est des statistiques, c'est pas des gens qui sont anti-Israël ou qui, vous comprenez, les statistiques qui proviennent du comportement des agissements d'Israël versus la Palestine. Juste ça. Regardez voir juste la carte de ce qui reste de la Palestine comparé à ce qu'il y avait 50-60 ans avant. Alors regardez quelle nation est menacée de disparition, qui est en train de disparaître, qui est parcellée en des milliers d'îlots déconnectés, séparés par des murs de 20-25 pieds de haut. OK? OK? Donc, je veux dire, à un moment donné, la vérité apparaît par elle-même. On n'a pas besoin de porter un jugement, d'avoir des préjugés. Elle ressort par elle-même lorsqu'on étudie les faits, les faits qui sont vérifiables et vérifiés. OK? Alors, le groupe ADL a nommé aussi un autre groupe qui s'appelle Jewish Voice for Peace. Alors, vous avez des Juifs, OK? Vous avez des Juifs aux États-Unis, en fait, une grande quantité de Juifs, OK? Puis bravo à eux autres, qui, effectivement, critiquent l'État d'Israël et puis ces sionistes complètement capotés, suprémacistes, qui, finalement, font mal paraître la grande communauté juive, qui, des fois, est complètement offusquée de voir les pouvoirs en place, contrôlés par des Juifs, faire des actes aussi répréhensibles de la sorte. Alors, parce qu'ils dénoncent ces choses eux-mêmes, OK? Alors, ils se font catégoriser par la propre Ligue d'antidéfamation juive comme étant des groupes qui sont anti-Israël. Imaginez, là, je veux dire, à un moment donné, ces gens-là se délégitimisent eux-mêmes, OK? Je veux dire. Ensuite, vous avez le Muslim Public Affairs Council, le Natura Carta, qui est un autre groupe de juifs aussi, orthodoxe, je me rappelle bien. Students for Justice in Palestine, puis U.S. Campaign to End the Israeli Occupation. Fait que, vous voyez, c'est des campagnes américaines pour juste mettre fin à l'occupation israélienne en Palestine. C'est pas parce que ces gens-là sont anti-israéliens, là. Faut arrêter de capoter, là. Je veux dire, mais dès qu'on veut discuter de quelque chose qui implique les Juifs ou Israël, là, et si bol, là, je te dis que, oup, là, les gens deviennent sensibles en ce moment. On n'est plus capable de voir clair, on n'est plus capable de voir les faits sur le terrain. Je veux dire, c'est des affaires qui sont sur le terrain, OK? Donc, fort important, puis pour terminer, vous avez un article ici, le lobby israélien aux États-Unis, fort intéressant, par Stephen Walt et John Mersher. Hey, j'ai tout un nom, lui. Mersheimer, je pense, OK? Là, excusez-moi si je magane le nom, là. Publié en mars 2006. C'est très intéressant. J'en ai parlé régulièrement dans le passé sur l'autre monde. C'est ce livre qui a été écrit par ces deux personnes-là, fort crédibles, irréfutables, réellement, le livre, il a fait très mal, et puis, c'est des choses que même des gens comme Noam Chomsky refusaient d'admettre, là, réellement, là. Le lobby israélien aux États-Unis est extrêmement puissant, là, je veux dire. Et puis là, c'est un genre de traduction en quelques parties, et puis là, vous avez la troisième partie avec des liens pour lire la deuxième et la première, où on parle de cette situation aux États-Unis, puis là, c'est un long article, d'où je vous ai découpé quelques paragraphes pour vous donner une idée à quel point, finalement, le pouvoir aux États-Unis est contrôlé, OK, par cette gang de personnes, comme je vous ai parlé un peu dans le passé, des émissions précédentes, la clique des néocons sionistes qui avaient bien souvent des doubles nationalités, appartenaient soit avait des doubles nationalités américaines, israéliennes, ou avait déjà même travaillé dans l'armée israélienne, le service secret israélien, se retrouve dans le gouvernement américain, ou finalement se retrouve à être, comme je vous disais, d'appartenance juive. On parle de cette situation qui a peu changé depuis lors. L'administration Bush a toujours refusé de traiter avec Arafat, puis après sa mort, elle a embrassé le nouveau responsable palestinien Mahmoud Abbas, mais il n'a pas fait beaucoup pour l'aider. Sharon a continué à développer son plan pour imposer un règlement unilatéral aux Palestiniens, basé sur le désengagement de Gaza, couplé à l'expansion continue en Cisjordanie. En refusant de négocier avec Abbas et en faisant en sorte qu'il lui soit impossible de fournir des avantages réels aux Palestiniens, la stratégie de Sharon a contribué directement à la victoire électorale du Hamas. Avec le Hamas au pouvoir, Israël a une autre excuse pour ne pas négocier. Alors, vous voyez, toutes ces choses-là, là, c'est pas des affaires qui arrivent par hasard. L'administration américaine a soutenu les actions de Sharon et celles de son successeur, Ehud Olmert. Bush a même approuvé les annexions unilatérales israéliennes dans les territoires occupés, inversant la politique déclarée de tout président depuis Lyndon Johnson. Okay? Donc, on fait des annexions unilatérales de territoires qui ne leur appartiennent même pas. T'sais, je veux dire, c'est le seul État au monde, sur la planète Terre, okay, au complet, cette planète dans l'univers, okay, c'est le seul pays, la seule nation qui ne se reconnaît pas de frontières fixes, qu'elle change à chaque année, à chaque mois, pour englober de plus en plus de territoires palestiniens. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Chris, ça, c'est pas de l'antisémitisme, excusez-moi, là, mais je veux dire, à un moment donné, il faut prendre conscience de la situation, là. Donc, on continue la poursuite de cet article fort intéressant. Les responsables américains ont légèrement critiqué quelques actions israéliennes, mais n'ont pas fait grand-chose pour aider à la création d'un État palestinien viable. Sharon a accroché Bush autour de son petit doigt, a déclaré l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Brent Scowcroft, en octobre 2004. Si Bush essaye d'éloigner les États-Unis d'Israël, ou même de critiquer les actions israéliennes dans les territoires occupés, il est sûr d'avoir à affronter la colère du lobby et de ses défenseurs au Congrès. Les candidats démocrates à l'élection présidentielle comprennent que ce sont des choses de la vie. C'est la raison pour laquelle John Kerry s'est donné beaucoup de mal pour montrer un soutien sans faille à Israël en 2004, et c'est pourquoi Hillary Clinton fait la même chose aujourd'hui. Maintenir un soutien américain à la politique d'Israël contre les Palestiniens est essentiel en ce qui concerne le lobby, mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Il veut également que l'Amérique aide Israël à rester la puissance régionale dominante. Le gouvernement israélien et les groupes pro-israéliens aux États-Unis ont travaillé ensemble pour façonner la politique de l'administration envers l'Irak, la Syrie et l'Iran, ainsi que son grand programme pour réorganiser le Moyen-Orient. La pression d'Israël et du lobby n'étant pas le seul facteur derrière la décision d'attaquer l'Irak en mars 2003, mais elle était critique. OK, c'était pas le seul facteur, mais elle était critique. Quelques Américains pensent que c'était une guerre pour le pétrole, mais il y a peu de preuves directes pour soutenir cette affirmation. Au lieu de cela, la guerre a été motivée en grande partie par un désir de rendre Israël plus sûr. Selon Philippe Zelikow, un ancien membre du Foreign Intelligence Advisory Board du président, le directeur exécutif de la commission du 11 septembre et maintenant conseiller de Condoleezza Rice, la véritable menace de l'Irak n'était pas une menace pour les États-Unis. La menace non dite était la menace pour Israël, a déclaré Zelikow devant un public de l'Université de Virginie en septembre 2002. Le gouvernement américain, a-t-il ajouté, ne veut pas trop appuyer là-dessus de façon rhétorique parce que ce n'est pas un argument populaire. Le 16 août 2002, 11 jours avant que Dick Cheney lance la campagne pour la guerre avec un discours contre les vétérans, excusez-moi, devant les vétérans des guerres étrangères, le Washington Post indiquait qu'Israël poussait les responsables américains à ne pas retarder une attaque militaire contre l'Irak de Saddam Hussein. Puis là, regardez bien là, les parallèles avec la Syrie, les parallèles avec la Libye, les parallèles particulièrement avec l'Iran en ce moment. Vous allez voir, là, c'est du copier-coller. Là. Vous allez voir, c'est la même gang qui pousse pour ça, la même gang qui a des intérêts à ce que ça se passe, les mêmes gangs qui veulent la destruction, la guerre, qui profitent de cette industrie du commerce, de la mort, de l'armement, ainsi de suite. Et évidemment, ça coûte très cher, les gars, donc on emprunte aux banquiers privés qui, finalement, ont des intérêts aussi là-dedans. Donc, vous comprenez, là, c'est toute la même gang, là. C'est toutes les mêmes histoires, les mêmes intérêts, OK? Donc, je poursuis. Grâce à cela, selon Sharon, la coordination stratégique entre Israël et les États-Unis a atteint des dimensions sans précédent. Ça, c'est anti-citation, là, OK? Une citation. Et les responsables des renseignements israéliens ont donné à Washington une variété de rapports alarmants, non seulement alarmants, mais faux, mensongers, au sujet des programmes des armes de destruction massive de l'Irak. Comme l'a dit plus tard un général à la retraite israélien, et citation s'ouvre, les renseignements israéliens étaient associés à part entière dans l'image présentée par les renseignements américains et britanniques concernant les capacités non conventionnelles de l'Irak, fin de la citation. OK? Ça vient d'un général à la retraite israélien, là. C'est pas des antisémites, des Israéliens bashers, et ainsi de suite, là. Je poursuis. Les leaders israéliens furent profondément affligés quand Bush a décidé de demander l'autorisation du Conseil de sécurité pour la guerre et furent encore plus inquiets quand Saddam Hussein a accepté de laisser entrer les inspecteurs de l'ONU. Hein? Donc, si un profil de la paix ou d'une entente pacifique se profile, c'est vente en guerre, c'est droppons des bombes pour libérer les gens, non seulement des bombes, mais des bombes à l'uranium appauvri, sont très inquiets parce que eux, ils ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas qu'on résout ces conflits ou ces inquiétudes de façon pacifique. Ils veulent qu'on lance des bombes et qu'on assomme, ok, qu'on domine, qu'on détruit ces nations. Alors, la campagne contre Saddam Hussein est un must, a déclaré Shimon Peres aux journalistes en septembre 2002. Wow! Et qu'on continue la station. Les inspections et les inspecteurs sont bons pour les gens honorables, mais les gens malhonnêtes peuvent les surmonter facilement. Au même moment, Ehud Barak écrivait dans un éditorial dans le New York Times, avertissant que le plus grand risque se situe maintenant dans l'inaction. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas des phrases qu'on entend quotidiennement, quasiment dans le cas de l'Iran aujourd'hui, n'est-ce pas, chers éditeurs? Son prédécesseur en tant que premier ministre, Benjamin Netanyahu, publie un article semblable dans le Wall Street Journal intitulé « La question du renversement de Saddam ». Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire que de démanteler son régime, déclara-t-il. Je crois pouvoir parler pour la majorité écrasante des Israéliens en soutenant une frappe préventive contre le régime de Saddam. Une frappe préventive. Écoutez, c'est quoi une frappe préventive? Ça, c'est un langage mensonger, OK? C'est un mensonge pour vous tromper. Une frappe préventive. Voyons donc. Moi, là, je pense que mon voisin, il est un peu bizarre. Fait que je vais aller y crisser une frappe préventive, OK? Fait que je vais pogner mon bat de baseball, puis je vais aller y casser deux genoux. On va appeler ça une frappe préventive. Écoutez, là, dans une cour, là, je vais me faire accuser et justement emprisonner pour une agression gratuite, OK? Mais pour certaines personnes au pouvoir, des suprémacistes qui veulent tout contrôler, des gens qui veulent dominer, alors, on appelle ça des frappes préventives. Hmm? Qu'est-ce que vous diriez si, le Mexique faisait une frappe préventive contre les États-Unis puis lance une bombe atomique sur, Los Angeles? Hein? Est-ce que ça serait une attaque préventive? Est-ce que vous pensez que Londres aurait un droit légitime de lancer une bombe nucléaire sur Paris en termes d'attaque préventive? Hein? Pensez à ça deux secondes. C'est ça, on poursuit. Ou comme le Haaretz l'a rapporté en février 2003, le leadership militaire et politique aspire à une guerre en Irak. Bon, comme l'a suggéré Netanyahou, pourtant, le désir d'une guerre n'étant pas limité aux leaders israéliens. Indépendamment du Koweït, que Saddam avait envahi en 1990, Israël était le seul pays au monde où les politiciens et le public étaient en faveur de la guerre. Comme l'observait à l'époque le journaliste Gideon Levy, Israël n'est pas le seul pays en Occident dont les responsables soutiennent la guerre sans réserve. Excusez-moi. Israël est le seul pays en Occident dont les responsables soutiennent la guerre sans réserve et où aucune opinion alternative n'est exprimée. En fait, les Israéliens étaient tellement va-t-en-guerre que leurs alliés en Amérique leur ont demandé de réduire leur rhétorique où cela serait vu comme si la guerre était engagée au nom d'Israël. Imaginez! Donc, aux États-Unis, la force principale motrice derrière la guerre était une petite bande de néo-conservateurs dont beaucoup avaient des liens avec les Likoud. Mais les chefs des principales organisations du lobby prêtaient leur voix à la campagne. Alors que le président Bush essayait de vendre la guerre en Irak, rapportait The Forward, les plus importantes organisations juives d'Amérique se sont rassemblées pour ne faire qu'un et le défendre. Déclaration après déclaration, les chefs de la communauté ont souligné la nécessité de débarrasser le monde de Saddam Hussein et de ses armes de destruction massive. L'éditorial continue en disant que l'inquiétude pour la sécurité d'Israël a été un facteur légitime dans les discussions des principaux groupes juifs. Okay? Donc, ça vient de la bouche même de ces gens. Bien que les néoconservateurs et d'autres leaders du lobby aient été désireux d'envahir l'Irak, la majeure partie de la communauté juive américaine ne l'était pas. Okay? Ça, c'est important à souligner, là. Juste après que la guerre ait commencé, Samuel Friedman a signalé qu'une compilation des sondages d'opinion dans tout le pays effectuée par le Pew Research Center, montre que les Juifs sont moins enclins à soutenir la guerre contre l'Irak que la population dans son ensemble. C'était fort intéressant, là. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse dichotomie entre la population juive américaine et ces fameux lobbies, ces gens qui sont dans la structure de pouvoir, qui sont pro-sionistes néoconservateurs et qui, finalement, ont des intérêts et puis des directions fort différentes du reste de la population juive américaine. On dit que 52% contre 62%. En clair, il serait erroné de blâmer la guerre en Irak sur l'influence juive. Par contre, c'est en grande partie dû à l'influence du lobby et en particulier à celle des néoconservateurs qui en font partie. Des nuances fort importantes, chers éditeurs. Les néoconservateurs étaient déterminés à renverser Saddam même avant que Bush soit élu président. Ils ont causé une agitation au début 1998 en publiant deux lettres ouvertes à Clinton demandant le renversement de Saddam au pouvoir. Les signataires, dont beaucoup avaient des liens étroits avec les groupes pro-israéliens comme le Jinsa, le WNEP, et qui incluaient Elliot Abrams, John Bolton, Douglas Feith, William Kristol, Bernard Lewis, Donald Rumsfeld, Richard Pearl et Paul Wolfowitz, avaient quelques problèmes à persuader l'administration Clinton d'adopter l'objectif général d'évincer Saddam. Mais ils ne pouvaient pas vendre une guerre pour atteindre cet objectif. Ils ne furent pas non plus capables de générer l'enthousiasme pour envahir l'Irak pendant les premiers mois d'administration Bush. Ils avaient besoin d'aide pour atteindre leur but. Cette aide est arrivée avec le 11 septembre. Précisément, les événements de ce jour-là ont mené Bush et Cheney à changer de direction et devenir de forts partisans d'une guerre préventive. Alors, vous voyez, c'est un article quand même fort intéressant. il y a beaucoup à lire. Je vous lirai pas tout, mais vous comprenez un peu l'importance de tout ce que je vous parlais, les émissions passées, puis d'où ce qu'on s'en va avec ça. OK? Lors d'une réunion clé à Bush Camp David le 15 septembre, Wolf Howitz a préconisé d'attaquer l'Irak avant l'Afghanistan, quoiqu'il n'y ait aucune preuve que Saddam est impliqué dans les attaques contre les États-Unis et que l'on savait que Bin Laden était en Afghanistan. Alors, là, on a décidé de finalement attaquer l'Irak comme étant une possibilité sérieuse, et puis pour des raisons qu'on connaît maintenant un peu plus précisément. D'autres néoconservateurs étaient pendant ce temps au travail dans les couloirs du pouvoir. Nous n'avons pas encore l'histoire complète, mais des professeurs comme Bernard Lewis de Princeton et Fouad Ajami de Johns Hopkins auraient joué des rôles importants persuadant Cheney que la guerre était la meilleure option. Cependant, des néoconservateurs de son équipe, Eric Edelman et John Hanna, et Scooter Libby, qui est arrivé de prison d'ailleurs, le chef d'état-major de Cheney et l'un des individus les plus puissants de l'administration, ont également joué leur rôle. C'est ça. Donc, vous avez des articles fort intéressants. Il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre pourquoi ces choses-là se sont produites, OK, réellement, là. Donc, cette guerre contre le terrorisme qui a été inventée à ce moment-là sert leur intérêt, évidemment, était conçue pour maintenir une justification pour intervenir militairement partout dans le monde, pour assurer cette hégémonie, pour réorganiser le Moyen-Orient en faveur du pouvoir juif israélien et américain. Alors, c'est fort important à comprendre parce que c'est l'histoire du monde en ce moment qui est écrite. OK? Donc, vous avez plusieurs informations qui sont relâchées là-dedans par rapport à ces histoires-là. On parle évidemment des relations publiques implacables pour gagner le soutien d'une invasion de l'Irak, dont une partie cruciale était la manipulation des renseignements de façon à faire croire que Saddam constituait une menace imminente. Par exemple, Libby a fait pression sur des analystes de la CIA pour qu'ils trouvent des preuves pour la guerre et a aidé à préparer le briefing maintenant critiqué de Colin Powell, Conseil de sécurité de l'ONU, on s'en rappellera tous. Vous avez au Pentagone le Policy Counter-Terrorism Evaluation Group qui avait été chargé de trouver des liens avec l'Al-Qaïda et l'Irak que les renseignements avaient soi-disant ratés. Alors, ces deux principaux membres étaient David Wormser, un néo-conservateur de la ligne dure, et Michael Maloff, un Libano-Américain très lié à Pearl. Un autre groupe du Pentagone, le soi-disant Bureau des projets spéciaux, avait pour tâche de découvrir des preuves qui pourraient être utilisées pour vendre la guerre. Il était dirigé par Abram Scholsky, un néo-conservateur avec des liens de longue date avec Wolf Howitz, et ses rangs incluaient des recrues des think tanks pro-israéliens. Ces deux organisations avaient été créées après le 11 septembre et rendaient des comptes directement à Douglas Feith. Okay? Comme pratiquement tous les néo-conservateurs, Feith est profondément dévoué à Israël. Il a également des liens avec le Likoud depuis longtemps. Il a écrit des articles dans les années 90 soutenant les colonies, arguant qu'Israël devrait conserver les territoires occupés. Plus important, avec Pearl et Wormser, il a écrit le célèbre rapport « A Clean Break » en juin 1996 pour Netanyahou, dont je vous parle souvent à l'émission là, « A Clean Break ». Ok, allez voir ça. Écrit pour Netanyahou et qui venait juste d'être élu premier ministre. Ok, ça c'est Pearl et Wormser. OK, des gens qui ont travaillé pour le gouvernement américain et dans ses institutions de renseignement, ainsi de suite. Alors, ils ont écrit le célèbre rapport de Clean Break, qui finalement était le document comment assurer l'hégémonie israélienne et recréer le grain Israël au Moyen-Orient. Alors, entre autres, il est recommandé que Netanyahou se concentre sur le renversement de Saddam Hussein du pouvoir en Irak, un important objectif stratégique israélien. Il demandait également qu'Israël prie des mesures pour réorganiser l'ensemble du Moyen-Orient. OK, Netanyahou n'a pas suivi leur conseil, mais Faith, Pearl et Wormser encouragèrent bientôt l'administration Bush à poursuivre ses mêmes objectifs. Le chroniqueur Akiva Eldar du Haaretz a averti que Faith et Pearl marchent sur une ligne mince entre leur loyauté au gouvernement américain et les intérêts israéliens. Okay? C'est un chroniqueur Akiva Eldar du journal Haaretz israélien qui parle de ça. Wolfowitz est également des voix Israël, hein, l'ancien du gouvernement Bush, The Forward. Là, un jour décrit comme, on parlait du journal juif aux États-Unis, là, un jour décrit comme la voix pro-israélienne la plus faucon de l'administration et, en 2002, l'a choisi en premier parmi les 50 notables qui ont consciemment poursuivi l'activisme juif. À peu près au même moment, le JINSA donnait à Wolf Howitz son Henry M. Jackson Distinguished Service Award pour avoir favorisé un fort partenariat entre Israël et les États-Unis et le Jerusalem Post en le décrivant comme fortement pro-israélien, là élu homme de l'année en 2003. Enfin, un mot bref sur le soutien d'avant-garde des néo-conservateurs à Ahmed Chalabi, L'exilé irakien sans scrupules qui dirige le Congrès national irakien, ils ont soutenu Chalabi parce qu'il avait des liens étroits avec les groupes judéo-américains et s'était engagé à favoriser des bonnes relations avec Israël quand il serait au pouvoir. C'était précisément ce que les partisans pro-israéliens du changement de régime voulaient entendre. Donc, c'est cela. Donc, voyez, c'est fort intéressant à connaître, étant donné la dévotion des néoconservateurs à Israël, leur obsession de l'Irak et leur influence dans l'administration Bush. Et ça, ce n'est qu'un exemple de l'influence qu'ils ont sur les différentes administrations américaines, comme autant jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que beaucoup d'Américains aient suspecté que la guerre a été conçue pour favoriser les intérêts israéliens. En mars dernier, Barry Jacobs de l'American Jewish Committee a reconnu que la croyance qu'Israël et les néoconservateurs avaient conspiré pour faire entrer en guerre les États-Unis contre l'Irak était dominante parmi les services du renseignement. Imaginez! Pourtant, peu de gens le diraient publiquement, et la plupart de ceux qui l'ont fait, comme le sénateur Ernest Hollings et le représentant James Moran, ont été condamnés pour avoir soulevé la question. Ben, c'est ça, on peut pas en parler. Fin 2002, Michael Kinsley a écrit que le manque de débat public au sujet du rôle d'Israël, c'est l'éléphant proverbial dans la pièce. La raison de l'hésitation à en parler, a-t-il observé, était la crainte d'être traité d'antisémite. Il y a peu de doute qu'Israël et le lobby furent les principaux facteurs dans les décisions à partir en guerre. C'est une décision que les États-Unis auraient probablement été loin de prendre sans leur effort. Et la guerre elle-même était prévue pour être seulement la première étape. Un titre en première page du Wall Street Journal, peu de temps après que la guerre a commencé, dit tout. Et je cite, « Le rêve du président, changer non seulement un régime, mais une région, une zone pro-américaine démocratique est un objectif qui a des racines israéliennes et néo-conservatrices. » Aïe aïe. OK? Donc, ça, c'est des articles qui fessent avec des sources qui fessent aussi et puis qui sont très importantes à considérer. Et puis, c'est cette même petite clique de gang-là, OK, qui cause des nouvelles comme on ramasse, comme ici, la dette des États-Unis qui a sauté, qui a augmenté de 300 milliards de dollars pour atteindre le 17 trillions de dollars pour la première fois. Des banquiers Rothschild, on parle ici de ces Rothschild, famille Rothschild, qui est la famille privée bancaire la plus riche de la planète, où eux, ils parlent de monnaie internationale d'ici 5 ans. OK, préparez-vous. Ils ont un objectif de suprématie mondiale. C'est le New World Order, c'est ça la gang. OK, on commence à mettre le doigt dans la fourmilière. The Economist publie une nouvelle le 12 octobre. Rigging currency markets. Alors, on parle de ce scandale du Libor, cette fraude gigantesque, incroyablement gigantesque, des taux d'intérêt à travers le monde, valant des trillions de dollars de fraude. Écoutez, c'est l'équivalent d'un monde de dérivatifs, OK? Les prix des commodities là, qu'on appelle partant du pétrole brut au platinum qu'on appelle ça le platine a été sujet à des manipulations et maintenant on commence à investiguer sur ce sujet. On parle des prix dans les marchés globaux qui tourne autour de 5 trillions de dollars par jour maintenant vont être scrutinisés par les autorités. On suspecte les banquiers d'avoir joué avec ça aussi. Alors, vous avez différents pays qui commencent des enquêtes importantes sur ces réseaux bancaires-là, dont la Suisse, ainsi de suite. Alors, une importante nouvelle à aller voir à propos de ça. Mais écoutez, on parle évidemment de manipulation mondiale là, des intérêts, ainsi de suite. Écoutez, là, c'est le réseau de criminels par excellence, la top fraude, en fait, c'est les derniers ennemis de l'humanité là, que l'histoire était témoin, et puis là, faut réellement régler ça, les choses éditeurs. Donc, différents articles à aller voir, on parle ici de la fin de la partie spéculative de government shutdown, on parle aux États-Unis là, qu'on a fermé le gouvernement de défaut sur la dette, ainsi de suite. Évidemment que ça rapporte des multimilliards de dollars pour Wall Street. Pourquoi? Excellent article ici à lire de Michel Chosudovsky sur le site Global Research qui vous explique qu'effectivement, Wall Street exerce une influence décisive sur les politiques et la législation qui a amené, en fait, qui concerne en fait la fermeture du gouvernement, de faire certains secteurs du gouvernement. On dit que c'est ces mêmes institutions financières majeures qui aussi contrôlent le mouvement des monnaies sur les marchés, des commodités, ainsi de suite, et du stock market à travers d'importantes opérations dans les produits des marchés dérivés. Et puis, écoutez, on profite de ça. C'est pas bien compliqué, là. Je veux dire, on joue avec l'économie, on essaie d'épeurer le monde, puis on profite de ça. Donc, fort important article de livre de Michel Chosowski. Et puis, on termine avec une dernière nouvelle. Rapport ici, Obama apporte un chilling effect qu'on appelle sur le journalisme. Alors, chilling effect, ça veut dire qu'on commence à faire peur à un journaliste, là. De plus en plus, cet état de surveillance et d'état policier, de tyrannie douce est en train de s'installer aux États-Unis. On parle de persécution agressive du gouvernement américain sur les fuites et les efforts de contrôler l'information qui ont un effet très refroidissant sur les journalistes et les gens qui révèlent la vérité, alors des délateurs, selon un rapport relâché par la US Press Freedoms. L'administration Obama est sévèrement critiquée et puis on voit cette tyrannie s'installer peu à peu aux États-Unis. Vous avez le Committee on Protect, the Committee to Protect Journalists. Alors le Comité pour la protection des journalistes ont conduit cette première examen de la liberté de presse aux États-Unis. Et puis on est pas mal concerné, inquiet par ces poursuites en justice sans précédent de l'administration Obama pour pour faire peur à des gens à l'intérieur du gouvernement et des différentes institutions qui révèlent la vérité, des délateurs sur des fraudes, ainsi de suite, à l'intérieur de l'administration. Et puis là, on s'aperçoit que l'administration d'Obama, au lieu de faire face à ces choses-là, essaie de faire taire les journalistes. Et réellement, là, on parle ici là de l'atteinte là à la liberté de presse aux États-Unis, carrément, là. Donc, on parle de saisie de données de journalistes, de gens qui sont emprisonnés, ainsi de suite. Donc, fort intéressant comme truc. Bon, alors écoutez, je me rends compte que finalement, on a passé pas mal plus de temps que je pensais sur ces sujets fort importants. Alors écoutez, je préfère garder intacte la partie santé pour la semaine prochaine. Vous comprendrez pourquoi, désolé de pas en parler, mais j'aime autant le faire de façon convenable que de passer en rafale des informations qui sont aussi cruciales que celles qui concernent la vaccination. On parle du Roundup, aussi de Monsanto. J'ai des nouvelles fort importantes sur les causes principales menant au cancer du sein. Alors, ça, c'est très important à traiter. Ensuite, on va parler aussi des diagnostics de cancer, des millions de diagnostics de cancer qui sont donnés de façon erronée. Alors, ça aussi, c'est un sujet fort important sur lequel on doit se pencher et qu'on fera la semaine prochaine. J'ai des articles à vous passer sur la dangerosité du téléphone portable, comme je parlais un peu en introduction là, d'émission. Et puis, vous avez aussi des nouvelles concernant ces fameuses publications supposément scientifiques médicales qu'on se retrouve finalement à contesté pas mal dans un article ici de la CBC News. On parle de science bogus, alors de la fausse science qui révèle finalement des qui révèle des problèmes majeurs là, où on se rend compte que finalement on relaie de l'information qui est censée être revue par les pairs et qui ne l'est pas, de l'information qui est erronée et qu'on présente comme étant de l'information crédible et fiable, OK? Ensuite, on va parler des radiations, des scanners dans l'aéroport, des ultrasons, hein, donc des échographies qu'on fait. Alors, on va parler un peu de ça aussi parce que c'est très important, ces fameuses échographies qu'on fait depuis à peu près 3 décennies et qui ne sont peut-être pas aussi sans influence et sans effet qu'on le pense. Ensuite, on va parler de modulation métabolique du glioblastoma avec le dichloroacétate. Alors, j'en ai souvent parlé dans le passé. Une des avenues fort intéressantes, le DCA qu'on parle pour finalement réactiver le système d'oxygène dans la cellule. et qui se débarrasse ainsi bien souvent des cellules qui finalement recommencent leur processus d'apoptose et qui s'éliminent par elles-mêmes lorsqu'elles découvrent qu'elles sont infectées par finalement ce cancer. Alors, fort intéressant, on a des thérapies, le DCA, qui fonctionnent très bien et qui coûtent seulement que 100 $ par mois, alors que les traitements conventionnels du cancer, comme la chimiothérapie, coûtent environ 9 000 $ par mois. Alors, vous comprenez que c'est pas très payant pour les grandes compagnies pharmaceutiques. Alors, on va parler de ça aussi, de chimiothérapie dans le traitement du cancer. Et d'autres nouvelles reliées au domaine de la santé. Alors, ne manquez pas la semaine prochaine. On va commencer spécifiquement par ces nouvelles-là qui ont un impact sur la population en général. Donc, écoutez, je vous remercie bien gros d'avoir été à l'écoute encore une fois de l'émission L'autre monde. C'est un plaisir toujours d'être avec vous. Partagez les liens, parlez d'émissions partout où vous passez. Et puis, tenez-vous bien informés. Donc, c'est un plaisir, comme je vous disais, d'être parmi vous et d'animer cette émission. Donc, c'était François Marginat pour L'Autre Monde. Je vous salue bien bas et à la semaine prochaine. Bye bye!